Samedi 15 décembre, 20h. Ne manquez pas le grand retour de Maximar de Dolbeau-Mistassini, alors que le multiconcessionnaire reçoit la visite du MGR Express de Saguenay. N'oubliez pas vos denrées non périssables pour les plus démunis. Prix d'entrée seulement 8 $. Du hockey de haut calibre, avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! On va parler avec de la NCAA, avec Wallet. Normalement, je ne devais pas y parler, mais il s'est passé quelque chose la semaine passée. On a, que Kyle Murray a gagné le trophée Iceman. On ne l'a pas vu venir du tout. Tout au long de l'année, écoute, Wallet et les experts d'ESPN, j'allais sur le site d'ESPN, puis toi, t'es seul, là. Puis là, arrive les deux dernières semaines, Kyle Murray se faufile et gagne le Iceman. On en parle avec Wallet du site internet NFL, le Bits NFL. Salut, Wallet. Salut, Danny, ça va bien? Ça va bien. Wallet, effectivement, je voulais... Écoute, j'ai été abasourdi de voir ça. Toi, t'as été surpris? Oui, j'ai dit, voyons, c'est... J'étais pas surpris, mais j'étais un peu perplexe, là, je te dirais, par rapport au résultat final. Regarde, je veux rien enlever à Kyler Murray, puis je veux rien enlever à Dwayne Haskins. Je pense que cette année, là, on avait vraiment une saison exceptionnelle. Là. On avait un numéro 1A, 1B, 1C. Mm. Les trois gars ont été extrêmement importants pour leur équipe. Une chose qui, à chaque année qui me déçoit un peu avec le Iceman, c'est que j'ai l'impression que les personnes qui votent, il y a beaucoup de personnes là, qui votent là, pour votre information, là, c'est plusieurs centaines de personnes là, qui votent pour le Iceman. J'ai l'impression qu'il y a gros des gens qui vont se fier uniquement aux statistiques sur papier, sans vraiment regarder les matchs, ou souvent on leur donne leur ballot de vote la fin de semaine de Thanksgiving. Mmh. Puis ils vont regarder un ou deux matchs puis se fier un peu sur ce qu'ils voient pour voter. Puis s'ils se sont fiés à ça, ben, effectivement, Kyler Murray, la dernière semaine de l'année, a été de loin supérieur à Tua qui a été blessé lors du match contre Georgia. Puis je pense que Tua, c'est pas qu'il a perdu le Heisman, c'est qu'il était tellement bon tout au long de la saison qu'il n'a pas été en mesure de se vendre assez pour gagner le Heisman. Souvent, on l'a déjà dit dans le passé, là, en milieu de troisième quart, en début de quatrième quart, son entraîneur l'assisait parce que l'équipe menait par 20, 30, 40 points. On n'avait pas besoin de lui. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de moment où est-ce qu'on a eu besoin de Tua pour revenir dans le match, gagner un match en prolongation ou de dernière minute, un peu comme que Kyler a fait durant la saison. Puis, je pense que c'est vraiment ça qui a désavantagé Tua. Regarde, j'ai écouté là, des lignes ouvertes là, suite à ça. J'ai écouté des émissions spéciales. Puis la plupart des gens, c'est ce qu'ils disaient. Là, c'est, si toi avait gagné, on peut facilement le justifier. Si Kyler vient de gagner, on peut le justifier. Si Dwayne Haskins avait gagné, on aurait pu le justifier. C'est vraiment que, dans ce moment, toi, la raison pour qu'il n'a pas gagné, c'est qu'il n'a pas été en mesure de se vendre assez. Parce qu'il était tellement bon. Donc, son excellence l'a désavantagé là, dans la course. Ça va-tu changer son statut? Parce que c'est un sophomore, si je ne m'abuse. Et un sophomore, normalement, c'est la deuxième année. Il y a des joueurs de l'NCAA qu'il arrive quelque chose et qu'ils préfèrent jouer une année de plus dans l'NCAA pour augmenter leur valeur contractuelle. Est-ce que ça va changer les choses dans son cas? Ben, dans son cas, non, parce que il était trop dominant. Pour être admissible à la NFL, faut être dans la NCAA dans ton programme pour un minimum de 3 ans. Ah, okay. Si on compare Tua et Dwayne Haskins, les deux sont sophomores, sauf que Dwayne Haskins, à sa première saison, il était redshirt. Donc, il s'est fait donner un chandail, le chandail rouge qu'on appelle. Il n'a pas joué, il a participé seulement aux pratiques. L'année suivante, il était freshman, puis cette année, il était sophomore. Donc, ça fait 3 ans qu'il fait partie du programme. Dwayne Haskins pourrait quitter. Du côté de Tua, en 2017, il était un freshman. Il n'a jamais reçu le fameux redshirt ou chandail rouge. Donc, c'est seulement sa deuxième année. Il est obligé d'en revenir dans la NCAA l'an prochain pour sa dernière année, s'il le désire. De ce que j'ai vu, là, tu vois, là, de la manière qui se présente en entrevue, de la manière qui joue sur le terrain, l'attitude qu'il semble avoir en général, il me fait penser un peu à Marcus Mariota des Titans du Tennessee. Okay. Puis la plupart des joueurs hawaïens sont comme ça, des gars qui sont réservés, qui sont qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui sont respectueux devant les caméras. C'est pas en train de donner un show comme qu'on voit d'un fois là, les joueurs, quand on leur met un micro et une caméra devant le visage. Donc, le gars, il semble avoir une bonne tête sur les épaules. Son entraîneur, c'est probablement le meilleur entraîneur de l'histoire de la NCAA. Donc, moi, je pense que Tua, regarde, puis c'est quelque chose qu'on va pouvoir parler un peu plus la semaine prochaine, mais qu'on va parler des bowls de demi-finale. Moi, je pense que Tua, s'il est en santé pour le match contre Oklahoma, Tua puis Alabama vont tout simplement se présenter contre les Sooners puis dire, regarde, on va vous montrer, nous, que Tua méritait vraiment de gagner cette trophée. OK. Donc, dans le cas de Kyle Murray, écoute, je l'ai vu, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il appartient aux A's d'Oakland déjà au baseball. Si... Oui. Mais est-ce que le gars... Parce que le gars, il est trop petit pour jouer dans la NFL. Ben, faut dire trop petit. Moi, j'ai trouvé que c'est la copie conforme de Russell Wilson avec les Seahawks. Il y a une copie, petit corps de petite stature... capable de courir avec le ballon, capable d'étirer un jeu. Écoute, le fait que... La différence majeure entre les deux, puis je vais être d'accord avec toi là, en termes de grandeur, puis de style de jeu, c'est similaire. La différence, c'est que quand tu regardes là, Russell Wilson, le gars, il est massif, il est musculaire, il a des grosses cuisses, il a un gros chest. Tu vois qu'il est capable de prendre des coups. Kyler, il est encore un peu petit, s'il est en mesure de prendre un peu de masse musculaire potentiellement, mais c'est ça, je pense que la NFL le montre d'année en année que t'as plus besoin de mesurer 6 pieds 6 et d'avoir Mayfield un gros canon. Baker Mayfield encore. Effectivement, ouais. Tu le vois là avec ou que ce soit Baker Mayfield ou que ce soit Patrick Mahomes ou Lamar Jackson qui commence une belle carrière à Baltimore avec trois victoires puis une défaite. On dirait que la NFL est un peu dans un vent de changement là, au niveau de ses carrières. Donc, est-ce que Kyler Murray a des chances de percer à la NFL? Ben, se poser la question, je pense que c'est intéressant puis ça va être intéressant de suivre dans les prochaines semaines. Une statistique, moi, que je trouve hyper intéressante. Pas une statistique, mais un fait que je trouve intéressant. Il y a gros des gens qui disent « Ah, l'argent garanti dans le baseball majeur est beaucoup mieux. » Puis Kyler, c'est un choix 9e au total avec les A's d'Oakland. Juste par titre de comparatif, Lamar Jackson, qui était repêché 32e par les Ravens de Baltimore, a signé le même bonus d'argent garanti avec les Ravens en étant repêché 32e. Donc, si Kyler Murray se repêche en première ronde, il peut être en mesure de faire le même nombre d'argent dans la NFL. Puis, si les choses ne fonctionnent pas, ben, il peut toujours continuer à s'entraîner puis éventuellement là, retourner au baseball puis continuer. Je suis pas sûr qu'on va revoir les deux de toute façon, by the way, là. Je pense pas qu'on va les voir en même temps là, comme à l'époque de Deion Sanders ou Bo Jackson, mais moi je serais pas surpris, surtout que le développement au baseball majeur, c'est rare qu'on voit, je suis pas un expert au baseball, mais c'est rare qu'on voit un gars se faire repêcher en première ronde, puis percer l'alignement. Il arrive de plus en plus jeune, par contre. Il y a de plus en plus jeune, mais il y a beaucoup plus de développement qui se fait dans la ligue majeure de baseball qui se fait dans la NFL. Donc, est-ce qu'il va dire à l'équipe de baseball, « Hey, je veux essayer ma chance, je veux essayer de me faire repêcher, puis si ça fonctionne, ben merci, puis si ça fonctionne pas, ben je vais revenir. » Ça va être vraiment à lui et à son agent là, de négocier ça avec les A's d'Oakland. Mais la manière qu'il a parlé là, dans les dernières semaines, moi, je serais pas surpris là, de le voir à tout de moins là, tenter de voir c'est quoi sa valeur dans un repêchage. OK. Aujourd'hui, il y a des bowls. Aujourd'hui, ça commence avec l'indigestion bowl du temps des fêtes. Il y en a quoi? Il y en a plusieurs, là, mais il y en a deux qu'on a retenus. Premièrement, je vais te poser la question. Est-ce qu'il y a trop de bowls? On ajoute année après année. On ajoute année après année. Il y a des gens qui disent qu'il y a trop de bowls, mais à tir en public, il ne faut pas oublier là, que pour beaucoup de ces joueurs-là, les joueurs là, que c'est leur dernière année au college football, pour beaucoup de eux, là, c'est la dernière fois qu'ils vont être capables de jouer du football quasiment professionnel, du football de haut niveau. Puis pour ceux qui veulent s'en aller dans la NFL, ben ça fait 2 semaines déjà là, que les équipes pratiquent, donc ça t'offre plus de pratique. Puis j'écoutais un spécialiste cette semaine, là, il disait un joueur là, qui reste dans la NCAA pendant 4 saisons. puis que son équipe est admissible à des bowls pendant 4 saisons, on parle en moyenne de 10 à 15 pratiques de plus par semaine, pour un total d'environ entre 40 à 60 pratiques de plus durant ta carrière. C'est l'équivalent d'une 5e saison en termes de pratiques, puisque les équipes durant la saison régulière vont pratiquer environ 50 fois. Donc, pour beaucoup de joueurs, c'est soit, ben, regarde, je profite de mes derniers moments avant de justement accrocher mes crampons puis aller vivre une vie un peu normale. Puis pour d'autres, ben, ces 15 pratiques-là, ben, c'est peut-être ça qui va me permettre de passer de la 4e ronde du repêchage à la 3e ou 2e ronde du repêchage, puis de faire ma vie dans le football. Puis, oui, c'est vrai, là, on regarde ça, puis souvent, il y a des rôles qu'on se gratte un peu la tête. Là, pourquoi qu'on a un bowl entre deux équipes qui ont 6 victoires, puis 6 défaites, ou 7 victoires, 5 défaites. En bout de ligne, moi, je comprends pas les gens qui vont se plaindre. Moi, quand je suis chez nous, là, un mardi soir à la mi-décembre, puis que j'ai un match de football sur ma télé, ben, je trouve ça plus intéressant que la plupart des émissions de télé là, qu'on met à faire. Donc, plus de football, ça rend les choses intéressantes, selon moi. OK. On va y aller avec le match à surveiller aujourd'hui. Le bowl à surveiller est à 15h30 sur ABC. Les Devils d'Arizona State, qui sont menés par l'ancien entraîneur des Jets de New York, Herman Edwards, tu me corriges, je me trompe, mais Edwards a amené une certaine crédibilité au Centre Devils qui allait nulle part. Donc, qui ont quand même une saison en haut de 500. Ils affrontent Fresno State, qui a terminé premier du Mountain West, division Ouest, c'est ça. Donc, ouais. C'est un match à voir. Et Fresno State est classé 21e. C'est pour ça que, dans toute la nation, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas vraiment le match à surveiller. Oui, puis tu l'as mentionné, le Herm Edwards. Une crédibilité. On dirait qu'on savait pas trop à quoi s'attendre. Il y a des détraqueurs là, qui riaient un peu de cette embauche-là quand c'est arrivé cet été, en disant « Ah, il va check là pour motiver ses joueurs parce que c'est un bon motivateur. » Mais regarde, ça a fonctionné. Comme tu l'as mentionné, les Sun Devils, ça faisait une couple d'années que l'équipe se cherchait. Là, je me rappelle, il y a peut-être environ 3 ou 4 ans, ils se battaient pour une place en finale du Pac-12, mais année après année, là, on était au bas de la division. Puis regarde, 7 et 5, ils ont connu des bons moments, ils ont été classés pour la première fois en je ne sais pas combien d'années. Donc, c'est une belle tangente. Puis, l'Université d'Arizona State, ben, c'est l'université elle fait partie là, de la région de Phoenix. Donc, c'est quand même assez facile de recruter des bons joueurs quand tu es dans une grosse place comme Phoenix. Donc, à moyen terme, c'est peut-être une bonne embauche. Ça va permettre à beaucoup de joueurs d'être intéressés par cette équipe-là. C'est ça, comme tu dis aussi, Fresno State, faut pas les prendre à la légère, même si c'est une équipe qui fait pas partie du Power Five, qui font partie du Group of Five, un peu comme UCF. Ben, ils sont 11-2. Ils ont battu Boise State à leur match de finale de conférence la semaine dernière, 2 semaines. Donc, une bonne équipe. Moi, si j'avais un joueur à retenir, par contre, dans cette équipe-là, ça serait le porteur de ballon, Eno Benjamin, d'Arizona State. Okay. Le gars a couru pour 1500 verges, puis 15 touchés durant la saison. Puis du côté de Fresno State, là, puis pour ceux qui vont regarder le match, pour pas qu'on se pose la question, il y a un joueur qui s'appelle Keyshawn Johnson. Ne pas confondre avec Keyshawn Johnson. Ils sont pas, c'est pas parrain. Le père et le fils. Ouais. Mais Keyshawn Johnson, qui joue actuellement pour Fresno State, un bon receveur de ballon, potentiellement un show repêchage là, en 2019. OK. Et il y a un autre match que tu m'avais parlé aussi. Tu voulais me parler? Ouais, ben ça, avant qu'on rentre en ordre, c'est juste l'histoire qui est intéressante. Là. Ouais. Le match est mardi soir sur TSN 5 en Norton, Illinois, puis UAB, qui est en fond l'Université d'Alabama à Birmingham. L'équipe de Birmingham, les Blazers, de 2014 à 2016, l'équipe de football avait été démantelée. On avait juste arrêté le programme de football. Okay. Puis on était revenu dans la NCAA l'an dernier pour faire un bowl. On revient encore cette année avec une grosse saison de 10 victoires, 3 défaites, puis l'équipe va tenter de gagner son premier bowl de l'histoire. Donc, ça devrait être un bon duel. On parle de deux équipes qui, surtout, sont bons avec la course. Donc, attendez-vous pas avec des gros jeux aériens. Mais ça devrait être intéressant là, de voir le jeu de course dans ce match. OK. Wallet, on s'en parle la semaine prochaine. Et voilà. Donc, et on s'en parle la semaine prochaine pour la chronique de la NCAA. Excellent. Du site internet, NFL, le bit NFL Wallet. Merci, Wallet.